bas volubile est devenu atrabilaire. J'aimerais dire que c'est le hasard, mais rien n'est arbitraire. Épargné de la misère, la lumière peu à peu s'est amusée. Celui qui aimait s'amuser aujourd'hui les abusés s'est usé. Tu sais, on ne rattrape jamais le temps, même à le temps. On traîne nos chimères en baluchon et balbutiant. Quelques discours qu'on a appris à répéter. On sait s'en dépêtrer, alors on les considère comme nos idées, notre personnalité. Quelle ineptie, jusqu'à la crise d'épilepsie. On peut toujours appeler les psys, ça nous empêchera pas de nous enfermer dans nos rôles, dans nos mots, dans nos belles certitudes. Certes exiguës, et l'on s'endurcit. Quelle servitude, on se statufie. Mais pourquoi lutter contre, on s'en rendait bien compte, gamin. On escomptait que ça nous arriverait pas, qu'on suivrait pas leur pas, qu'on serait pas ça, non. Je demande pardon à ce bambin volubile que j'étais. Ce curieux impétueux sans cesse à cogiter. J'aimerais régurgiter tout, car j'étouffe. Me sentir vierge à nouveau, à l'écoute. Mais je sens bien ce que le futur m'apporte. Et que les rides ne sont pas que sur ma peau. Les songes s'engluent, sanglotant, sanglés par ces années qui s'agglutinent. La cage thoracique compressée, je ne vois que des mirages anthracites, imprécis, rétrécis, et je trépigne. Même plus intrépide non plus, l'émerveillement, la candeur se sont tus. Événements, je cherche des substituts. Même l'énervement m'a délaissé, je titube. En quête de palliatifs, à chacun ses paradis, ses paradigmes et ses parasites. Faut bien trouver un but ou un sens à tout ça. Mais quand la lucidité revient, la douleur me foudroie. Et je n'ai presque rien pour me garder serein. Alors l'encre et la morphine et la plume ma seringue. Camille Mike, Camille Mike. Allez, fais-toi plaisir, mec. Crasse-toi. La plume, ma seringue, j'lâche rien. Gratte plein de parchemin, mais le présent à demain. Harlequin, oh, c'est top délavé dans ce décor délabré d'une époque dépassée. Des spots éclairés de mon royaume, ma planète, un noyau sans joyaux. Mes boyaux distribués aux plus loyaux. Sultan, déchu dans un vaste sérail de syllabes, ses cailles et des rails, mes synapses. Yo, j'bois la tasse comme les Atlantes, spectateurs impotents de ma propre décadence. Et j'goûte à sa chair sous moult anathème, que je ne trouve victoire que dans cette course à ma perte, ouais. Ça défonce. Camille Mike, yo. Yeah.